Selon Yonhap News Sud du 9 courant, la cour locale de Pusan de Corée du Sud a condamné ce jour-là 9 membres de l'association des jeunes médecins traditionnels de Pusan et 3 étudiants de l'université de médecine traditionnelle de Pusan sous prétexte d'avoir étudié depuis 2001 les grandes idées du Chuché, applaudi le projet de réunification sous forme fédérale et fait paraître des livres concernés.